Chapitre 49e. La maîtresse d'un voleur, nommée Charpentier, mais plus connue sous ses deux sobriquets, la tache de vin et les trumeaux, avait été traduite avec lui comme prévenue de vol à l'aide de fausses clés. Quoique son amant, dont elle était la complice, eût été condamné aux galères, faute de preuves, elle fut acquittée. Henriette, ainsi se nommait cette femme, était liée avec Rosalie Dubuste. Elle n'eut pas plutôt recouvré sa liberté qu'elle se l'associa pour commettre des vols de chambre. Mais plusieurs déclarations faites à la police ne tardèrent pas à appeler son attention sur les deux amis. Henriette restait rue du Grand Hurleur. Je reçus l'ordre de la surveiller. Je m'arrangeai d'abord de manière à la connaître, et un jour, m'étant placé sur son passage, je l'accostai à sa sortie. « Tiens, lui dis-je, voilà. Ça ne peut pas mieux se rencontrer, j'allais justement chez vous, mais je ne vous connais pas. Vous ne vous rappelez pas que je vous ai vu avec Charpentier à l'île d'Amour? C'est possible. Eh bien, j'arrive de Brest. Votre homme vous fait des compliments. Il aurait bien voulu venir vous rejoindre, mais le pauvre diable est au suspect, et c'est plus que jamais difficile de s'évader. Ah, Mordier, je vous remets bien à présent. Je me souviens parfaitement que nous nous sommes trouvés ensemble à la chapelle, chez Duchesne, où nous étions allichés, à godailler, avec des amis. » Après cette reconnaissance, à laquelle il ne manquait rien, je demandai à Henriette si elle avait quelque chose en vue. Elle me promit monts et merveilles, et pour me prouver combien elle désirait m'être utile, elle voulut à toute force que je m'installasse chez elle. L'offre de partager son domicile était faite de si bon cœur que je ne pouvais que l'accepter. Henriette logeait dans un petit cabinet, dont tout l'ameublement consistait en une seule chaise et un lit de sangle, garni d'un matelas de bourre dont l'aspect était loin d'inviter au repos. Elle me conduisit immédiatement dans ce réduit. « Asseyez-vous là, me dit-elle, je ne serai pas longtemps dehors. Si quelqu'un frappe, n'ouvrez pas. » Elle ne tarda pas en effet à revenir. Je la vis entrer, portant d'une main une chopine, de l'autre deux paquets de couenne et une livre de pain. C'était un triste régal qu'elle me présentait. N'importe, je feignis de manger avec appétit. Le repas terminé, elle m'annonça qu'elle allait chercher le père de son homme et m'engagea à me coucher en attendant son retour. Comme il fallait paraître avoir besoin de sommeil, je me jetai sur le grabat. Il était si dur qu'il me semblait être un sac de clous. Deux heures après, arrive le père Charpentier. Il m'embrasse, pleure et me parle de son garçon. « Quand le reverrai-je » s'écriait-il, et il pleurait encore. Mais quelque chagrin que l'on soit, il faut bien quelquefois essuyer ses larmes. Le père Charpentier fit trêve à sa douleur, pour me proposer de souper avec lui au sauvage, à la barrière de la Villette. « Je vais aller prendre de l'argent, dit-il, et nous partirons. » Mais on n'a pas toujours sous la main l'argent que l'on va prendre. Le père Charpentier, qui sans doute s'était fait illusion sur l'abondance des rentrées, ne reparut que le soir. Il accourait avec la modique somme de 3,50 francs et un arlequin, qu'en passant il avait acheté au marché Saint-Jean. C'était au fond d'un mouchoir plein de tabac qu'il avait placé cette dégoûtante Macédoine. Il la déposa sur le pied du lit, en disant à Henriette, « Tiens, ma fille, les eaux sont basses aujourd'hui, nous n'irons pas à la barrière, mais va nous chercher 2 litres à 16, un pain, 2 sous d'huile et 2 sous de vinaigre, pour faire une persillade. » Et en même temps, il considérait avec sensualité son arlequin. « Il y a de fameuses tranches de bœuf là-dedans, » observait-il. « Allons, cours, mon enfant, et reviens plus vite. » Henriette était un gambe, elle ne nous fit pas languir. La vinaigrette fut bientôt apprêtée, et j'eus l'air de m'en lécher les doigts. Quand on revient de là-bas, on ne doit pas être si difficile. Aussi, pendant que nous consommions, le père me disait-il, « Eh bien, mon ami, si t'en avais eu de pareil auprès, t'en aurais fait tes dimanches. » Entre coquins du même bord, au bout d'un quart d'heure, on est intime. Avant de toucher au second litre, j'étais avec Henriette et son beau-père, comme si nous ne nous fussions pas quittés depuis 10 ans. Ce dernier était un vieux vaurien, homme à tout faire, s'il eût encore été capable d'agir. Je convins avec lui qu'il me mettrait en relation avec des amis, et dès le lendemain, on m'amena un nommé Martineau, dit l'estomac de poulet. Celui-ci aborda de suite la question, en me parlant d'une petite affaire qui pouvait contribuer à me remonter. « Ah, lui dis-je, je ne m'expose pas pour si peu. Je veux que cela en vaille la peine. » « En ce cas, répartit Martineau, j'ai ce qu'il te faut. Mais ce ne serait que dans quelques jours. Les clés ne sont pas faites. Si tant que nous serons maîtres, tu seras des nôtres, tu peux y compter. » Je remerciai Martineau, et il m'aboucha avec 3 autres voleurs qui devaient opérer avec nous. je commençais à être assez bien lancé. Toutefois, dans la crainte d'une rencontre qui aurait pu déconcerter mes projets, je me gardais de sortir avec ma nouvelle société. Je restais avec Henriette la plus grande partie de la journée, et le soir nous allions ensemble au coin de la rue Greneta, chez un marchand de vin, où nous dépensions les 30 sous qu'elle gagnait à faire des gants. Annette pouvait me seconder dans l'intrigue où je m'étais embarqué. Résolu à lui donner un rôle, s'il en était besoin, j'allais secrètement l'avertir, et le soir, quand nous entrâmes au cabaret, nous aperçûmes, assis seul à une table, une femme qui était en train de souper. C'était Annette. Je la regarde avec une sorte de curiosité, elle fait de même. Je demande à Henriette si elle connaît la personne qui nous examine si attentivement. « Je ne le présume pas, » répond-elle. « C'est donc à moi qu'elle en a. J'ai quelque idée de l'avoir vue, je ne saurais dire où. » Afin de m'éclaircir, j'aborde l'étrangère. « Pardon, madame, je crois avoir le plaisir de vous connaître. »« Ma foi, monsieur, je cherchais tout à l'heure dans ma tête. » « Voilà, disais-je en moi-même, une figure que j'ai vue quelque part. Avez-vous habité Rouen ?»« Dieu ! » m'écriai-je, « c'est vous, Joséphine, et votre homme, ce cher Romain. »« Hélas ! » me dit-elle en sanglotant, « il est malade à Canel. Il est arrêté à Caen. »« Et y a-t-il longtemps ?»« 3 marcs, 3 mois. »« J'ai bien peur qu'il ne s'en relève pas de sitôt. Il a une fièvre chaude. » »« Il est fortement compromis. » »« Et vous ? Il paraît que vous êtes guéri, que vous êtes libre. » « Oui, guéri, mais qui sait si je ne retomberai pas bientôt ? Il faut espérer que non. » Henriette est enchantée des bonnes façons de la dame. Elle veut en faire sa compagnie. Enfin, nous nous convenons si bien les uns les autres que désormais nous serons unis comme les doigts de la main. Ce sera 3 têtes dans le même bonnet, ou plutôt 3 corps dans la même chemise. La prétendue Joséphine, à la suite d'une histoire si touchante que Henriette en fut attendrie, nous apprit qu'elle logeait dans une maison garnie de la rue Guérin-Boisseau. Après que nous eûmes fait l'échange de nos adresses, elle me dit « Ah ça, écoutez, vous savez que dans le temps, vous avez obligé mon homme d'une pièce de 20 francs, il est juste que je vous la remette. » Je fis quelques difficultés de prendre les 20 francs, cependant je cédai, et dès ce moment, Henriette, que le procédé touchait encore plus que l'histoire, entra en grande conversation avec l'honnête moitié de mon ami. L'entretien roulait sur moi. « Tel que vous le voyez, madame, » disait, en me désignant la ci-devant épouse de charpentier, « je ne le changerai pas contre un autre, quand il serait 10 fois plus beau. C'est mon pauvre lapin. Voilà pourtant 10 ans que nous sommes ensemble. Croiriez-vous que nous n'avons jamais eu le moindre mot ?» Annette se prêtait admirablement à cette comédie. Chaque soir, elle était exacte au rendez-vous et nous soupions en commun. Enfin, vient le moment d'accomplir le vol à l'exécution duquel je dois concourir. Tout est disposé. Martineau et ses amis sont prêts. C'est la chambre d'un prêteur d'argent à la petite semaine que l'on a projeté de dévaliser. On m'a indiqué sa demeure, c'est rue Montorgueil. Je sais à quelle heure on s'introduira. Je donne à Annette les instructions nécessaires pour qu'elle puisse avertir la police, et afin d'être sûr qu'on ne fera rien sans moi, je ne quitte plus ni mes amis ni ma chère Henriette. Nous partons pour l'expédition. Martineau monte, ouvre la porte et redescend. « Il n'y a plus qu'à rentrer, » dit-il, et tandis que je reste avec lui à faire le guet, ses compagnons courent butiner, pour notre compte et le leur, aux dépens de l'usurier. Mais des agents les suivent de près. Je les aperçois, et dans cet instant je m'arrange pour donner à Martineau une distraction qui lui fasse tourner la tête d'un autre côté. Les 3 voleurs surpris pendant qu'ils brisent les meubles jettent un cri et nous prenons la fuite. Martineau ayant emporté les clés, ses compagnons échappaient ainsi à la peine des fers, car il était probable que, suivant leur coutume, ils allégraient qu'ils avaient trouvé la porte ouverte. Il importait donc non seulement de faire arrêter Martineau nanti des clés, mais encore d'établir ses relations avec les coupables qu'on avait saisis. Ce fut surtout pour parvenir à ce résultat qu'Annette me fut de la plus grande utilité. Martineau fut enlevé avec toutes les pièces de conviction désirables, sans qu'Henriette se doutât de rien. Seulement, elle trouva que j'étais très heureux, et ce fut un titre de plus à son amour. Quand le sentiment que je lui inspirais fut dans toute sa force, j'eus, pour le mettre à l'épreuve, une maladie de commande. Je ne pouvais recouvrer la santé qu'en prenant des médicaments dont le prix n'était pas en proportion avec nos facultés pécuniaires. Henriette voulut absolument me les procurer, et à cette intention, elle prémédita un petit bol de chambre dont elle me fit la confidence. Rosalie Dubuste devait l'assister. Le vol fut tenté, il eut un commencement d'exécution. Mais j'avais éventé la mèche. Henriette et son amie subirent les conséquences du flagrant délit. Toutes deux furent condamnées à 10 ans de travaux forcés. À l'expiration de sa peine, Henriette venait en surveillance chez moi. Elle avait bien quelques droits à m'adresser des reproches, jamais elle ne le fit. Henriette, Rosalie Dubuste et Martineau étaient de pauvres cambrioleurs. Mais il est, dans le même genre, des voleurs d'une effronterie qui passe toute croyance. Celle du nommé Beaumont tient presque du merveilleux. Évadé du bagne de Rochefort, où il devait passer 12 années de sa vie, il arrive à Paris. À peine de retour dans cette ville où il avait déjà exercé, pour se remettre la main, il commet quelques vols de peu de valeur. Et quand, par ses escarmouches, il a préludé à des exploits plus dignes de son ancienne renommée, il conçoit le projet de voler un trésor. On n'imaginerait jamais quel était ce trésor. Celui du bureau central, aujourd'hui la préfecture de police. Il était déjà passablement difficile de se procurer les empreintes des clés. Il parvint à vaincre cette première difficulté, et bientôt il eut en son pouvoir tous les moyens d'ouvrir. Mais ouvrir, ce n'était rien. Il fallait ouvrir sans être aperçu, s'introduire sans crainte d'être troublé, opérer sans témoin, et sortir librement. Beaumont, qui a mesuré toute la grandeur des obstacles, ne s'en effraie pas. Il a remarqué que le cabinet du chef de la sûreté, M. Henri, est tout près de l'endroit où il se propose de pénétrer. Il épie l'instant propice. Il voudrait bien qu'une circonstance éloignât pour quelque temps un si dangereux voisin. Il est servi à souhait. Un matin, M. Henri est obligé de sortir. Beaumont, sûr qu'il ne rentrera pas de la journée, court chez lui, revêt un habit noir, et dans ce costume qui, à cette époque, annonçait toujours ou un magistrat ou un fonctionnaire public, il se présente au poste préposé à la garde du bureau central. Le chef, à qui il s'adresse, suppose que c'est au moins un commissaire. Sur l'invitation de Beaumont, il lui donne un soldat et celui-ci, posé en sentinelle à l'entrée du couloir qui conduit au dépôt, reçoit la consigne de ne laisser passer personne. On ne pouvait trouver un meilleur expédient pour se mettre à l'abri d'une surprise. Aussi Beaumont, au milieu d'une foule d'objets précieux, put-il à loisir et en pleine sécurité faire choix de ce qui était à sa convenance. Montres, bijoux, diamants, pierreries, il s'adjugea tout ce qui avait le plus de valeur, tout ce qui était le plus portatif, et dès qu'il eut achevé sa pacotille, il congédia le fonctionnaire et disparut. Ce vol ne pouvait être longtemps ignoré. Dès le jour suivant, on s'en aperçut. Le tonnerre fut tombé sur la police, qu'elle eût été moins bouleversée qu'à la nouvelle de cet événement, pénétrée jusque dans le sanctuaire des saints. Le fait paraissait si extraordinaire qu'on le révoquait en doute. Pourtant, il était évident qu'un vol avait eu lieu. À qui l'attribuer? Tous les soupçons planaient sur des employés, tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, lorsque Beaumont, trahi par un de ses amis, fut arrêté et condamné une seconde fois. Le vol qu'il avait commis pouvait être évalué à quelques centaines de 1000 francs. On en retrouva sur lui la plus grande partie. Il y avait là, disait-il, de quoi devenir honnête homme. Je le serais devenu. C'est si aisé quand on est riche. Pourtant, combien de riches ne sont que des coquins. Ces paroles furent les seules qu'il proféra lorsqu'on se saisit de sa personne. Cet étonnant voleur fut conduit à Brest, où, à la suite d'une demi-douzaine d'évasions qui n'avaient abouti qu'à le faire serrer de plus près, il est mort dans un affreux état d'épuisement. Beaumont jouissait parmi les voleurs d'une réputation colossale. Et aujourd'hui encore, lorsqu'un fanfaron se vante de ses hauts faits, « Tais-toi donc, lui dit-on, tu n'es pas digne de dénouer les cordons des souliers de Beaumont. » En effet, avoir volé la police, n'était-ce pas le comble de l'adresse? Un vol de cette espèce n'est-il pas le chef-d'œuvre du genre, et peut-il se faire qu'aux yeux des amateurs, son auteur ne soit pas un héros? Qui oserait se comparer à lui? Beaumont avait volé la police. Pends-toi, brave Crillon, pends-toi, Coignard, pendez-vous, Pertuisard, pendez-vous, Collet, près de lui vous n'êtes que de la Saint-Jean. Qu'est-ce d'avoir volé des états de service, de s'être emparé du trésor de l'armée du Rhin, d'avoir enlevé la caisse d'une mission? Beaumont avait volé la police, pendez-vous, sinon allez en Angleterre, on vous pendra.